partout. Nous sommes en direct du studio Maman Gebi où nous allons passer une grande célébration avec un grand groupe qui nous vient tout droit de Lubumbashi au Katanga. J'ai cité les exilés de Sion. Et avec ce groupe, nous allons danser, nous allons adorer notre Dieu. Et la production est signée Nabi Samueli House. Nabi Samueli House, c'est la maison, une association sans but lucratif qui organise cette grande journée. Hier, vous avez suivi, nous étions en direct à l'hôtel Continental, au Grand Hôtel de Kinshasa, au Salon Congo. Et aujourd'hui, comme promis, nous sommes au studio Maman Gebi de la RTNC. Je ne suis pas seul dans l'animation de cette soirée d'aujourd'hui. Je suis accompagné d'un pasteur, le frère Jérémy, pasteur Jérémy, shalom. Shalom, papa Apo. Comment vous allez? Je vais bien. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est un dimanche, la gloire de Dieu est disponible pour nous. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement? Chose. Gloire Chose. À Dieu. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous démarrions déjà la célébration à travers ces grands thèmes retenus, à savoir paix et concorde nationale. Paix et concorde nationale. Bien-aimés, nous sommes tous des Congolais, même vous qui nous suivez à l'étranger, nos frères et sœurs de la diaspora, que Dieu vous bénisse. Si réellement nous aimons le Congo, nous devons chercher à garder l'image de cette grande nation à la dimension continentale. Oh là là, il y a une façon, il y a une façon exceptionnelle d'acclamer un roi de rois. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble en poussant de cris? Jésus, c'est merveilleux ce soir. Le cri de joie, le cri, le cri. Il est merveilleux, notre Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Nous gardons cette position-là. On reste debout. Pour ceux qui sont assis, nous vous invitons à vous mettre debout également. Et à ce moment-là, j'invite un homme de Dieu. Lui, c'est le pasteur Kamanda qui vient soumettre entre les mains de l'Éternel cette grande journée de célébration. On va danser. Il est merveilleux, notre Seigneur. Shalom, papa. Shalom, frère. Nous allons prier Dieu. Fermons les yeux dans la prière. Tendre Père, Dieu de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Dieu de paix, nous te bénissons car tu as amené Jésus et avec Jésus nous réconcilions le monde avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, pour ce concert de paix et de concorde nationale, nous croyons que tu es présent, car tu as fait de nous, ton peuple, les procureurs de la paix. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers de ce concert, la paix qui est déjà dans ce pays l'inonde encore davantage, que la concorde naisse, germe dans le cœur de tous les Congolais. Ô Dieu, nous rêvons de ce Congo où le tribalisme ne sera plus. Nous rêvons de ce Congo où les gens ne vont plus se regarder au travers les barrières de langue, de régionalisme. Mais nous rêvons d'un Congo uni, Congo de paix, de concorde, où nous allons circuler de l'est à l'ouest, du nord au sud, tous sous le même label de Congolais, par la grâce de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te dédions ce moment d'adoration. Nous le laissons entre tes mains. Nous voulons que tu donnes une grâce spéciale, une joie spéciale, Père, dans les cœurs de tous ceux qui vont venir communier avec les exilés de Sion. Père de grâce, que toute chose marche à la gloire de ton nom. Nous voulons le sentir. Que ceux qui arrivent malades et fatigués reçoivent une portion spéciale de guérison et de paix, de réconfort, de reconstitution de leur santé. Tu es le Dieu qui siège au milieu de la louange. Nous voulons te sentir au milieu de nous, car Seigneur, nous te préparons un grand terrain de louange dans nos cœurs et dans cet espace. Règne Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est profond. Nous allons, avant de passer la parole à la chorale, le pasteur Jérémie va nous donner rapidement une petite histoire pour le compte des exilés de Sion. Une petite histoire. Petite histoire des exilés de Sion. Ok. Nous disons que les exilés de Sion, c'est un groupe. C'est un groupe de Lubumbashi, qui vient de Lubumbashi. Mais c'est un groupe composé en grande partie des déplacés de guerre. Donc, des femmes et des hommes qui ont connu la guerre une fois, et en se déplaçant, ces hommes se sont retrouvés à Lubumbashi. Amen. Et c'est là que les exilés de Sion, c'est à partir de là que le groupe La Chorale des exilés de Sion a commencé. Et c'est un groupe qui chante, qui danse. Ils dansent leur liberté. Ils dansent leur victoire en Jésus-Christ. Ils chantent des enseignements. Ils chantent tout ce qu'ils ont compris avec Dieu. Si tu écoutes les exilés de Sion, Papa Paul, oui, tu vas non seulement danser la joie de ta liberté, mais tu vas danser un message d'interpellation. Amen. Voilà pourquoi dans leur actif, ils ont fait 3 albums jusque-là. Oui. Ils ont fait Bakobe Kelenzenze. Ils ont fait Kungulu Yamabwe. Et puis, Mouchette Mouker. Voilà. Merci beaucoup. Les exilés de Sion sont déjà là. Mais bien avant, même pour vous qui nous suivez, nous allons permettre à une chorale Sion. Mm-hmm. On acclame très fort pour la chorale Sion. Jitokeza hakika tuliponyoka na masasi ya silaha zile kubwa, wengi walikata tamaa na kuzimia, lakini Yesu alituchunga. Sasa inueni macho, tenda kazi ni wachache. Shukrani kwa Mungu Baba kwa rehema yake kwa nchi ya Kongo, jinsi ya tulindavyo kila wakati wa vita inavyo jitokeza. Hakika tuliponyoka na masasi ya silaha zile kubwa, wengi walikata tamaa na kuzimia, lakini Yesu alituchunga. Tuyatazame mavuno yameivya kweli, lakini watenda kazi ni wachache. Teni amani masikilizano, ndipo tutapendeza aliyetuita. Tutafuteni amani masikilizano, hapo ndipo tutajenga kanisa la Kristo. Tutafuteni potuta veneza ali etuita tuta futeni amani sweli hapo ndipo utajenga kanisa la Kristo Usibaguane katika kazi zenu Sababu Kristu hakugawanyika Na nyinyi viongozi wa nchi Iweni nani ya Bwana Yesu Usibaguane katika kazi zenu Sababu Kristu hakugawanyika Tutafuteni amani masikilizano Ndipo tutapendeza aliyetuita Tutafuteni amani masikilizano Hapo ndipo utajenga kanisa la Kristo Tutafuteni amani Tuta pendeza aliyetuita Tutafuteni amani masikilizano Hapo ndipo tutajenga kanisa la Kristo Merci. Siona. Vous avez aimé Siona? Acclamons très fort pour Jésus. Jésus. Il est merveilleux. Le narcisse de Saron. L'empreinte de la personne de Dieu. Siona. Ils nous ont dit en résumé qu'on venait de passer une guerre. Après la guerre, pendant la guerre, Dieu nous a protégés. Cultivons la paix. Chacun de nous doit cultiver la paix. Envers l'autre, envers la nation, envers tout un chacun. Pasteur Jérémie, oui. Bientôt là, bientôt. Nous allons danser. Danser. Avec quel groupe? Les exilés de deux. Dieu les exilés de Sion. Est-ce que vous êtes prêts? Qui oh savent danser le tota? C'est tout le monde. Papa pauvre, vous savez, tota veut dire simplement louer. Louer Dieu. Qui sait louer Dieu? Est-ce que nous pouvons tous élever nos voix? Poussons des cris de joie, d'acclamation ce soir. Jésus. Merci. Jésus. Les exilés de Sion. On va les annoncer maintenant. Pasteur Jérémie, on annonce les exilés. Les exilés de Sion. On annonce les exilés de Sion. Ils sont là avec nous, les exilés de Sion. Alors, nous comptons ensemble avec vous de 5 jusqu'à 0 et les exilés entrent. 5. On y va. On y va. 3. On y va. 2. On y va. Attendez. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, les derniers chiffres qu'on attend, c'est le chiffre. Et voici les exilés de Sion. Les exilés on acclame les exilés de Sion. Les exilés de Sion. Est-ce que nous pouvons acclamer? Poussons des cris de joie. Les exilés de Sion. À continuer à acclamer, s'il vous plaît. L'entrée des exilés. Alléluia. Mungu emibariki kabisa. Ya unoke bia tungu. Ya unoke. Alleluia. Tutaimba, tutacheza. Leza wetu wa mukenu tambo dasha kapanga wetu tukaleza hiya hiya tata hiya koti tala tala ya les exilés de Sion. Voici les exilés. Lancez des cris de joie. Les exilés de Sion chantent, jette mon cœur. Yeah. Pembeni yako kusema mangaribi ya leo utabarikiwa, umwambie, umoneshe, fanya makelele, fanya makelele, umwambie, umwambie ule kunaye, umwambie mangaribi ya leo ni baraka kwangu, umoneshe tena tole biboy eh? Pesa moninga na yombote. Yo, Mariano.